d'habits, trop de tentations pour ces jeunes en quête d'horizon. Certains en perdront la vie, les autres crieront dans la nuit. Ne joue pas avec ton destin, car c'est de l'or entre tes mains. Aucun soutien psychologique pour ces jeunes en quête de flip. La vie est un cadeau. C'est même peut-être toi qui a mis ce code dans cet état en voulant te remplir la panse sur le cap de l'adolescence. La vie est un cadeau. La vie est un cadeau. Ne mâche pas tes. Incompréhension pour ces millions sans opinion. Certains recherchent un idéal sur le chemin de l'illégal. D'habitude ne la contrôle pas à tout moment. Ce qu'ils aient aucun soutien physique pour ces jeunes en quête de prix. Je suis pas.